Chapitre 34e. Lorsque tout le monde fut entré dans le salon, la marquise, abandonnant le contre-plave sur le fauteuil où elle l'avait déposé, vint au devant du colonel. Elle marchait légèrement, la tête haute, souriant à tous, le visage coloré, les yeux brillants. Elle avait bien dîné car elle était habile à faire plusieurs choses à la fois, les réussissant toutes également dès qu'elle les entreprenait, et le soin de veiller sur ses hôtes ne l'avait pas obligée à se négliger elle-même. Le colonel, qui l'avait observée et longuement regardée, avait remarqué qu'elle savait manger et qu'elle aimait les vins blancs ainsi que le champagne, qu'elle buvait à petits coups sans retirer ses lèvres de la coupe avant qu'elle fût vide. Elle prit le bras du colonel comme elle l'eût fait avec un camarade, et doucement, elle le poussa dans un petit boudoir si exigu qu'il n'y avait place que pour un divan et une jardinière pleine de plantes à feuillage coloré. « Eh bien, » dit-elle en le faisant asseoir, « vous ne voulez pas commencer avec vos voisines, mais une fois en train, il me semble que vous avez bien été. Que racontiez-vous donc à Mademoiselle Belmonte pour qu'elle eut un tel éclat dans les yeux, et la blonde Ida, que vous disait-elle avec sa tête penchée ? Charmante, n'est-ce pas, l'une et l'autre, mais assurément. Comme vous dites cela froidement, votre regard est moins habile à dissimuler. Voyons, franchement, laquelle préférez-vous ? Franchement, je n'en sais rien. Allons, décidément, fit-elle avec une petite moue. Vous ne voulez pas de moi pour confidente. Vous avez tort, je sais garder un secret, et à l'occasion donner un bon conseil. Mais je n'ai pas de secret, je vous assure. Pas même en ce qui touche la jolie enfant que vous promeniez dimanche. Cet enfant est ma cousine. Rien que votre cousine, mais... Oh, je veux dire pour le moment, colonel, que vous ne savez pas mentir, vous vous troublez. Il est vrai. Ne croyez pas que je veuille vous faire un reproche de ce qui, à mes yeux, est une qualité rare. La franchise, le trouble, mais c'est charmant. Vous êtes un homme unique. Et la sympathie qu'on éprouve tout d'abord pour vous, car vous savez, vous êtes un personnage sympathique, cette sympathie tourne vite à l'estime et l'amitié quand on vous connaît. Seulement, cette qualité précieuse pour vos amis peut être dangereuse pour vous par certains côtés. Vous êtes seul à Paris. J'entends que vous n'avez pour ami que M. de Pontperran, qui connaît sans doute très bien la vie parisienne, mais enfin, qui n'est qu'un homme. Ils étaient placés de telle sorte que la marquise tournait le dos à la porte du salon, tandis que le colonel lui faisait face. Depuis qu'ils étaient en tête à tête, il avait vu Lord Ferguson, Serkis Pacha et le prince Eratov venir successivement, l'un après l'autre, devant le boudoir. Mais chaque fois, le marquis, qui se tenait là comme pour assurer la tranquillité de leur entretien, avait arrêté ses importuns et les avait réunis autour de lui. À son tour, le duc de Mestosa avait aussi jeté un coup d'œil dans le boudoir. Mais le marquis ne fut pas plus complaisant pour lui qu'il ne l'avait été pour les autres, et il l'arrêta aussi en le prenant gaiement par le bras, comme s'il avait quelque chose d'intime à lui dire. « Qu'avez-vous donc ?» demanda la marquise en tournant la tête vers le salon. Alors, se mettant à rire, « Ne prenez pas souci, » continua-t-elle, « et achevons ce que je voulais vous dire. Au reste, c'est affaire de quelques mots. Si vous croyez jamais avoir besoin, je ne dirai pas des conseils, mais des renseignements, des éclaircissements que peut donner une femme du monde qui, par sa position, voit et entend beaucoup de choses, venez à moi. Je me mets entièrement à votre disposition. Vous êtes assuré de me trouver tous les samedis et je serai heureuse de vos visites. Est-ce dit ? » Il voulut la remercier, mais elle l'interrompit. « Ne me remerciez pas. Quoi de plus intéressant pour une femme de mon âge que de parler d'amour et de mariage, alors surtout qu'on peut le faire d'une façon désintéressée. » Là-dessus, elle se leva et lui prit le bras. Mais au moment où ils allaient entrer dans le salon, le colonel, qui malgré l'étrangeté de cette communication n'avait pas oublié le comte Roqueblave, la pria de le présenter à celui-ci. « Ah, parfaitement. Cependant, je dois vous avertir, pour commencer mon rôle, qu'il n'est pas amusant, le comte. Ce n'est pas pour le charme de son esprit que je désire le connaître, mais seulement pour lui demander un renseignement que j'ai intérêt à connaître. » Ils allaient rejoindre le comte, qui n'avait point bougé de dessus son fauteuil, et la présentation fut bientôt faite par la marquise, qui, aussitôt après, s'éloigna pour reprendre son rôle de maîtresse de maison. La marquise avait eu pleinement raison, en disant que le colonel ne savait pas mentir, mais pour être complète, elle lui ajoutait qu'il ne savait non plus biaiser. Il était de ceux qui, voulant apprendre une chose, trouvent que le meilleur moyen est de procéder franchement par interrogation directe. Ce fut donc le chemin droit qu'il prit, proposer au comte Roqueblave la question qui, pendant tout le dîner, l'avait préoccupé. Si j'ai tenu à honneur de vous être présenté, dit-il en s'asseyant sur une chaise qu'il approcha du fauteuil où le comte était étalé, c'est que j'avais des remerciements à vous adresser. À moi, monsieur, et pourquoi donc ? Pour avoir bien voulu vous occuper d'une personne à laquelle je suis attaché par des liens de parenté. Ah, très bien, fit le comte avec indifférence, et qui porte le même nom que moi. Cette personne étant le fils du frère de mon père, en un mot, mon cousin, Anatole Chamberlain, qui grâce à vous a été remis en liberté. Ces paroles produisirent un effet magique. Le comte était renversé dans son fauteuil, la tête en arrière, le ventre bombant, les jambes allongées reposant sur les talons, l'attitude d'un homme qui n'a qu'un souci en ce monde, bien digéré après avoir bien dîné et qui se moque parfaitement des règles de la bienséance. Brusquement, il se redressa et s'asseyant sur son fauteuil, il posa ses pieds à plat sur le tapis. « J'ai su, continua le colonel, la part que vous avez bien voulu prendre à cette libération, les démarches que vous avez bien voulu faire, et j'ai tenu à vous en remercier. M'intéressant à lui, je devais ne pas l'abandonner. C'est de cet intérêt que je vous suis reconnaissant. Il a travaillé pour moi il y a un an, je lui ai trouvé du talent, et je me suis pris de sympathie pour lui. Ah, c'est depuis un an seulement que vous le connaissez, à peu près. » Le colonel lui voulut continuer l'entretien, mais le comte avait appelé le baron Lazarus d'un signe de main, et devant en tirer, il était difficile, pour ne pas dire impossible, de pousser plus loin un interrogatoire auquel le comte ne semblait pas d'ailleurs vouloir se prêter. Du reste, un fait ressortait de cet entretien. Le comte ne connaissait Anatole que depuis un an. Ce fait était-il vrai ? Là était toute la question. Ce n'était point dans un salon, sous les yeux de 20 personnes, qu'elle pouvait être éclaircie par des interrogations plus ou moins adroites. Comme le colonel s'éloignait, laissant tête à tête le comte Roqueblave et le baron Lazarus, Gaston de Pompéran vint le prendre par le bras. « Que diable avez-vous demandé au vieux Roqueblave ? » dit-il en riant. « Vous avez remis sur ses jambes cet animal ruminant d'une façon grotesque et qui nous a bien fait rire. » Mais le colonel ne répondit pas à cette question. Il y avait là un mystère qu'il ne lui convenait pas de traiter légèrement, et auquel, en tout cas, il désirait ne mêler personne. Précisément, parce qu'il avouait sa parenté, il tenait à ménager l'honneur de son nom. « Je voudrais bien fumer un cigare, » dit-il. Ils passèrent dans le fumoir où le prince Mazzazzoli, à cheval sur une chaise, racontait une histoire égrillarde d'un groupe de convives qui riaient aux éclats, tandis que dans un coin opposé, le capitaine de Maisonnel, reprenant sa discussion du dîner, démontrait qu'au point de vue français, jamais moment n'avait été plus favorable pour entreprendre une grande guerre. Nous avions la première armée du monde, l'Autriche était pour nous, l'armée prussienne, formée d'éléments hétérogènes, était en pleine décomposition. Ce serait une campagne d'un mois, 6 semaines, au plus. Quand le prince eut terminé son histoire, il vint s'asseoir auprès du colonel. Charmante réunion, n'est-ce pas ? Le colonel aimait-il la vie parisienne ? Quelle femme ravissante que Madame de Lucilière ! Et Mademoiselle Lazarus n'était-elle pas vraiment une beauté idéale ? Alors il entreprit l'éloge de la jeune Allemande. Elle avait toutes les grâces natives et toutes les qualités qu'on peut acquérir. Mais ce panégyrique, dans lequel on ne trouvait pas un mot de critique nettement formulé, fut fait de telle sorte que la conclusion qui s'en dégageait prouvait jusqu'à l'évidence que Mademoiselle Lazarus ne pouvait être qu'une femme détestable pour le mari qui l'épouserait. Sa beauté fragile, un souffle, la détruirait. Ses qualités exquises chez une jeune fille, nulles chez une femme. Tout cela fut insinué avec une physionomie gracieuse, le sourire sur les lèvres, la caresse dans l'accent et dans le geste. Cependant, en l'étudiant de près, on eût pu remarquer sur son visage mobile quelque chose de goguenard, qui, dans le feu de la conversation, arrivait à l'expression grotesque d'un bon comédien bouffe. Sans doute, il eût longtemps continué sur ce ton si le baron Lazarus n'était pas venu les interrompre. Devant le père, il était difficile de continuer à accabler la fille de louanges. Au reste, le baron avait un mot particulier à dire au colonel, et il fallut bien que le prince lui cédât la place. Ce mot était tout simplement pour demander au colonel à quelle heure il pourrait le recevoir le lendemain. Il s'agissait de lui faire une visite pour le prier à dîner rue du Colisée. Il y aurait le marquis, la marquise de Lucilière, le prince Mazzazzoli, la comtesse Belmont et sa fille. Et aussitôt, à son tour, il entreprit l'éloge de Carmélita, qui fut exactement le pendant de celui d'Ida. Seulement, tandis que le prince avait procédé avec finesse, Le baron procédait avec bonhomie. C'était la franchise qui parlait par sa bouche. Il n'avait jamais vu de plus belle statue que Carmelita, mais ce ne serait jamais qu'une statue, bonne à placer sur un piédestal et à admirer. Quand le colonel rentra dans le salon, qui, pendant son absence, s'était rempli d'invités à la soirée, le baron et le prince restèrent seuls dans le fumoir. « Savez-vous ce que me disait le colonel Chamberlain ?» demanda le baron. « Il me parlait de votre nièce avec enthousiasme. Elle a produit sur lui une impression extrêmement vive. J'ai cru un moment qu'il allait me charger de vous demander sa main. Mes compliments, mon cher prince. »« Les miens, mon cher baron, car ce qu'il vous a dit de ma nièce, il me l'a dit de votre fille, et j'ai eu la même pensée que vous. » « Vous plaît-il que je vois ce qu'il peut y avoir de réel sous cet enthousiasme ?»« Mon Dieu, non, je vous remercie. Sans doute, sa fortune est belle, mais, après tout, ce n'est qu'un marchand. C'est donc avec un parfait désintéressement que je vous propose de faire pour vous ce que vous vouliez faire pour moi. »« Mille remerciements, cher ami, cette fortune est trop grosse. Je ne veux pour ma chère fille qu'une honnête médiocrité. »